Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer notre deuxième chapitre de l'Épître aux Corinthiens. Notre bon Père du ciel, nous voulons encore une fois se tourner vers ta parole qui est une source de lumière pour nous. Ta parole nous dit qu'on vit dans les ténèbres, dans un monde ténébreux. Malgré le soleil, malgré les milliards de lumières dans le monde, tu décris le monde comme étant des ténèbres. Des ténèbres face à la lumière spirituelle. Dans les ténèbres par rapport à toi, qui est la lumière. Donc ta parole est une lumière sur notre sentier, comme dit David. Une lumière pour guider nos pas de tous les jours. Une lumière qui va nous aider dans notre compréhension de toi et de ton Fils Jésus. La compréhension de ton plan qui va nous pousser à agir dans la bonne direction afin de marcher avec toi dans la lumière. Donc guide-nous par ton Esprit Saint. Amen. Nous avons commencé à voir hier les raisons pour lesquelles Paul n'a pas voulu aller directement chez eux. On a vu que les nouvelles qu'il avait reçues des Corinthiens l'ont attristé, l'ont emmené dans l'angoisse spirituelle, je pourrais dire, une angoisse qui il a eu peur que la jeune Église se laisse troubler. Un peu comme il dit dans Galates, est-ce que j'ai travaillé en vain? Il avait peur. Est-ce que je vais avoir travaillé en vain chez les Corinthiens aussi? Donc, au lieu d'aller les voir dans la tristesse et les attrister, il décide d'attendre et de leur écrire à la place. Il leur écrit pour les redresser théologiquement parlant. Et comme je l'ai dit souvent, si vous avez un problème moral, cherchez la doctrine qui est derrière ça, qu'il faut aligner, qu'il faut remettre dans le bon sens, qui va vous permettre de comprendre que vous êtes ou que nous sommes dans l'erreur. Il ne faut pas changer par la force de la volonté, mais il faut être transformé par la vérité. C'est bien différent. Un est sous la loi et l'autre est sous la grâce. Paul leur dit, je ne suis pas allé parce que je voulais vous épargner. Parce que je ne veux pas agir par autorité sur vous. Je veux agir avec amour. Je veux que vous preniez des décisions face à Dieu et non pas face à moi. On ne prend jamais nos décisions face à les dirigeants. C'est pour ça que tellement de jeunes qui vont à l'église pendant des 10, 15 ans, 20 ans, et là, ils suivent leurs parents. Et quand ils décident de prendre leur propre décision, ils quittent l'église, ils quittent la foi, ils rejettent tout ça. Parce qu'ils suivaient des parents. Beaucoup de gens suivent des hommes, des leaders. Et quand ces leaders-là font des erreurs, ils quittent l'Église, ils quittent la foi, ils s'en vont. Parce qu'ils suivaient des hommes. Paul dit, je ne veux pas utiliser de mon autorité. Je veux que vous suiviez la vérité. Il dit, si je ne suis pas allé vous voir, c'est parce que je ne voulais pas vous rendre triste. Et j'étais tellement triste pour vous. Donc, j'ai décidé de vous écrire. Non pas pour vous attrister, mais comme il dit au verset 4, afin de vous montrer mon extrême amour, l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Et ce que nous allons voir ce matin, c'est une autre raison. Une autre raison. Il va leur dire, il voulait les éprouver ou les mettre à l'épreuve. Lisons ensemble le verset 5 jusqu'au verset 11. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé. C'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de vous connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant à toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Pour bien comprendre ici notre texte, il faut comprendre un petit peu ce qui s'était passé dans 1 Corinthiens. Paul avait demandé à l'Église de mettre ce qu'on appelle souvent dans l'Église, à mettre un chrétien en discipline. Il y avait un homme qui couchait avec sa belle-mère. Et Paul a employé une expression sévère. Il dit, je l'ai livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que son âme soit sauvée au jour du Seigneur. Donc, il a employé un langage sévère. Je l'ai livré à Satan. Et il encourage l'Église à se séparer de cet homme, à le discipliner. Il dit, vous auriez dû être comme moi, angoissé, triste. Mais vous faisiez rien. Vous manquiez d'amour envers ce frère-là. Il dit, même vous avez été orgueilleux de cela. Je vous encourage à faire de quoi envers cet homme-là. Et c'est là que les intervenants, les faux docteurs, ont commencé à médire de Paul. Vous voyez comment ce qui est sévère? Vous voyez comment ce qui est dur avec vous? Livrer quelqu'un à Satan, quel scandale! Et Paul dit ici au verset 5, « Si j'ai été une cause de tristesse, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi. » C'est vous. C'est vous. C'est vous qui avez décidé de passer à l'action. C'est vous qui avez décidé de faire ce qui était bon, de faire ce qui était bien, et de le reprendre, cet homme-là. De le châtier, c'est ça qu'il dit au verset 6, de le châtier, parce qu'il vivait dans l'inceste, si je ne pourrais pas l'inceste, en tout cas, il y a un mot pour ça qui me part de l'esprit, de coucher avec sa belle-mère. Il dit, vous ne devriez pas l'avoir laissé faire. Mais vous avez agi. Vous l'avez châtié. Vous l'avez mis sous discipline. Vous l'avez enlevé de l'Église parce qu'il ne voulait pas arrêter. Vous êtes joint à moi et vous l'avez livré à Satan. On ne prendra pas le temps ici d'étudier cette expression-là. Si vous n'avez pas, allez écouter 1 Corinthiens, l'enseignement que j'ai fait à 1 Corinthiens 5. Mais il dit, je voulais vous mettre à l'épreuve, voir si vous fonctionneriez comme je vous avais enseigné. Si vous feriez ce que je voulais que vous fassiez. Mais maintenant que vous l'avez fait, il dit, Il suffit, c'est assez, en sorte que vous devez maintenant lui pardonner. Vous devez le consoler, de peur qu'il soit accablé par une tristesse excessive. Il a été attristé par votre geste, mais c'était une bonne tristesse. C'était un châtiment qui venait de l'amour extrême de Paul, qui a été suivi et imité par les chrétiens de l'Église, qui ont aussi aimé cet homme-là avec un amour extrême. Ils ne l'ont pas laissé dans le péché. Ils l'ont châtié, si je peux dire de même, spirituellement. Il dit, maintenant que cet homme s'est repenti, on va voir ça dans 2 Corinthiens 7, cette repentance qui mène à salut. Il s'est repenti, il dit, maintenant, je vous encourage à l'aimer, à lui pardonner, à le consoler, à le recevoir, à le reprendre avec vous dans l'Église. Faites un acte de charité ou un acte d'amour envers lui. Pardonnez-lui. Donc, le châtiment est un acte d'amour, mais le châtiment va être suivi par un autre acte d'amour qui est le pardon. Pardonnez lui. Il dit au verset 9, « Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant à toute chose. » Il dit, « Je voulais voir. Est-ce que vous allez continuer dans la même direction que vous êtes parti et de laisser le péché dans l'Église sans rien faire? Est-ce que vous allez maintenant continuer à accepter ça et même à vous glorifier de ce péché-là? Allez-vous vous glorifier du péché ou si vous allez reprendre le péché? Avec amour, bien entendu. Avec miséricorde et compassion. Avec compréhension que c'est aussi votre partage. Ceux qui reprennent doivent se souvenir qu'eux autres aussi pêchent et vont être repris. C'est un acte mutuel. Reprendre et pardonner. Reprendre et pardonner. Deux actes d'amour qui ont une importance capitale. Parce que si on ne fait pas cela, l'apôtre Paul il dit, nous donnons avantage à Satan. Si nous laissons le péché entrer, et si nous laissons le péché se multiplier, et qu'on s'enorgueillit en plus forte raison, et qu'on ne reprend pas, et quand quelqu'un demande pardon, nous le rejetons parce qu'on se croit meilleur qu'eux autres. Non, tu es un trop mauvais chrétien. Le péché que tu as fait est trop grand. On ne va pas te rétablir dans la communion fraternelle. Non. Si vous faites cela, vous donnez avantage à Satan. Ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Quand le péché est là, reprenez. Quand les mauvaises doctrines sont là, reprenez. Quand on utilise mal les dons, reprenez. Ou châtiez, c'est le même terme, c'est correction. Corriger, doctrinalement parlant. Et si on ne veut pas se plier à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, d'expulser ou de discipliner. Et quand les personnes comprennent et se repentent, pardonnez, rétablissez, consoler. Et ainsi, vous ne donnez pas avantage à Satan. Parce que vous savez, Satan, son but n'est pas juste de nous faire tomber dans un péché. Satan, je dirais que son but premier, son but ultime, c'est d'amener le mensonge. C'est d'amener l'Église à croire au mensonge. C'est le mensonge en comparaison avec la vérité. Il y a des églises qui, moralement, fonctionnent aussi bien que d'autres églises, mais leur doctrine est complètement dans l'erreur. Souvenez-vous que l'apôtre Jean, l'Apocalypse, il dit, « Je connais vos œuvres, vous fonctionnez bien, mais votre doctrine n'est plus là. Vous avez des doctrines de Satan. Vous avez abandonné votre premier amour. Vous avez une belle moralité extérieure, mais la vérité n'est plus là. Satan a gagné sur vous. » Vous avez donné avantage à Satan. Il faut garder la vérité pure autant que Dieu nous donne la grâce. Donc l'apôtre Paul, il dit, je suis avec vous. Au verset, il dit, si vous avez pardonné, je pardonne aussi. Je suis avec vous là-dedans. Si vous avez châtié comme je vous avais demandé, maintenant je vous demande de pardonner. Comme je suis prêt aussi à pardonner avec vous, je m'unis avec vous là-dedans. Afin de ne pas donner avantage à Satan et qu'il détruise l'Église, qu'il accable l'Église. Les chrétiens doivent représenter la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit au verset 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Il dit, on veut que Christ soit manifesté au sein de l'Église. C'est pour ça que quand les évangiles ou les épîtres parlent de la discipline, ils disent, ce que vous allez lier sur la terre va être lié dans le ciel. Ce que vous allez délier sur la terre va être délié dans le ciel. Donc, notre comportement croyant, chrétien, reflète la pensée du Christ, reflète la pensée de Dieu, reflète le ciel. Le ciel reprend, châtie le péché. Et le ciel pardonne le péché. Donc, il dit, vous devez refléter en tant qu'Église, en tant que croyant, la personne même de Christ, qui vit en vous par son esprit. Donc, devant le péché, on ne l'admet pas, on ne le bonifie pas, on ne le justifie pas, on ne le cache pas, on le dénonce, on l'expose. Et quand il était exposé, manifesté le pardon de Jésus-Christ, que tout péché qui est confessé, tout péché est miséricorde, tout péché est pardonnable. Peu importe les péchés que nous allons faire dans l'Église en tant que croyants, ils méritent d'être repris et ils méritent d'être pardonnés. Ainsi est manifestée la personne de Jésus-Christ dans la vie de l'Église. Christ n'est pas manifesté dans l'Église par des super spirituels qui sont full hypocrites et qu'à les regarder, ils paraissent tous du bon monde. C'est pas ça le but. Le but de l'Église ou la manifestation de l'Église, c'est sa réaction face au péché. Il l'amour qui le pousse à pardonner. Notre Père du ciel, merci de nous avoir donné cet bel exemple encore une fois ce matin. Par ton serviteur Paul, qui a été inspiré de toi par ton esprit. La vie de l'Église va se manifester par le châtiment et le pardon. Par reprendre et consoler. La vie de l'Église doit manifester la personne de Christ, les attributs de Christ, les attributs de Dieu, autant sa sainteté que son pardon, que son amour. Que ton esprit puisse appliquer dans nos vies cette vérité.